بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. خديجة كومنتيه بار أبو تيمية خليل المتنكي حفظه الله تعالى. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Donc Inch'Allah, aujourd'hui, dernier ders de Bab et Tayammum. Faqala al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala. Wa'an ibn Abbasin, radiyallahu anhu, qal, min as-sunnati alla yusalliya rajulu bil-tayammumi illa salatan wahida, thumma yatayammam lis-salati al-ukhra. Rawahu ad-Dariqutni bi-isnadin da'if jidda. Donc, selon Ibn Abbas, radiallahu anhu, qu'il fait partie de la sunnah que l'homme ne fasse qu'une seule salat avec le tayammum. Et qu'il fasse le tayammum pour l'autre salat d'après. Apporté par Ad-Dar al-Qutni avec une génération très faible. Wa waqama qal. Donc, le shir dit Al-masailu wal-ahkamu al-mustafaratu min al-hadithi. Mas'alatun. At-tayammum li kulli salatin. Le fait de faire tayammum pour chaque salat. L'ensemble des savants voient qu'il est obligatoire de faire tayammum pour chaque salat obligatoire. Et ils ont pris comme preuve ce affaire d'Ibn Abbas. Et également, c'est leur avis pourquoi, car comme on l'a dit, eux ils voient que tayammum c'est un moubih, c'est une permission et non pas une tahara. D'accord, ça, donc ça c'est un sujet qu'on a déjà évoqué. Mais la parole la plus sûre, la plus juste, c'est comme on l'a déjà cité, on l'a déjà répété dans le Doros, c'est qu'en fait, le tayammum enlève al-hadath. La souillure, c'est une tahara, comme le wudu. Donc, il lui permet de faire une salat, deux salat, trois salat avec un seul tayammum tant qu'il n'a pas perdu le wudu. Et ça, c'est l'avis de Sanrani dans Subul Salam. Et toutes les preuves ont été citées. Puis, c'était une parole, longue parole de Cheikh Al-Islam Taymiyyah, dans Majmou al-Fatawa, volume 21, pages 436 et 437. Pour ne pas avoir à la lire, c'est le Khurasa, c'est ça. Le topo, c'est ça. C'est que le Tayammum, d'accord, c'est une Tahar Kamila. C'est une purification complète comme l'Ozo. Donc, tu peux faire 9 fila avec, d'accord, ça va être surrogatoire, tu peux les faire avec, l'obligatoire avec, tant que tu n'as pas perdu l'Ozo, ainsi de suite. Et la preuve, dans la part de Cheikh Islam, on recite la preuve que le tayammum, c'est une purification et non pas un moubih, c'est la part d'Allah où il dit فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ. Le shahid, لِيُطَهِّرَكُمْ. Donc, si vous ne trouvez pas d'eau, alors faites tayammum à partir de la terre, et essuyez-vous-en vos visages ainsi que vos mains, car Allah ne veut pas vous mettre de gêne, mais il veut vous purifier. À la fin du bien, il veut vous purifier. Donc, tayammum, vous purifiez. Fahada wa dalil. Taïe. Donc, ça, le sujet de ce affaire de Ibn Abbas, même si c'est très faible, on l'a déjà évoqué auparavant. Pas la peine de s'attarder dessus. Alhamdulillah. Après, il dit Faslun. في مسائل أخرى ملحقة بهذا الباب. Donc là maintenant, comme il fait à la fin de chaque chapitre, il met des sujets, des masaïl qui n'ont pas été évoqués. D'autres cas de figure, fréquemment constatés, qui n'ont pas été évoqués à la suite des hadiths. Il dit أولاً مسألة التيمم لخوف فوات وقت الفريضة. Le fait de faire tayammum par peur de perdre le temps, de sortir du temps d'une salat obligatoire. Donc, c'était une part de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah dans Majmou al-Fatawa, volume 21, page 470. Il dit que si jamais le temps est rentré de la salat et qu'il est réveillé, d'accord, il est opérationnel pour faire la salat, et que l'eau elle est loin et qu'il a peur qu'en la cherchant, il perde le temps de la salat, c'est-à-dire là où il est, il n'y a pas d'eau. D'accord, le temps de la salade va se terminer. Et le temps que je cherche de l'eau, le temps va se terminer. Il va sortir du temps. Donc il dit, s'il n'a pas le temps, d'accord, de trouver l'eau, alors il fait le tayammum. Ça c'est le mazhab de Ahmed et de la plupart des savants du Jumhur. Et Shiri dit que la preuve justement de cette masala, c'est la parole d'Allah, Alam tadidu ma'an, si vous ne trouvez pas d'eau. Enfin, donc là, dans cette, dans ce cas de figure, l'eau n'est pas présente. C'est-à-dire ici qu'il pourra avoir l'eau, mais elle est loin, donc dans le cas moment, dans le moment présent, au moment de la salat même, il n'en a pas d'eau. D'accord? Il n'a pas d'eau. Donc la salat parmi les chouloutes, le temps, et la purification. Là, il peut avoir l'un des deux et pas l'autre. La purification peut l'avoir par tayammum. Mais le temps, il ne l'aura pas s'il choisit l'eau. Donc qu'est-ce qu'il fait? Qaddam tayammum. طيب après دي مساله ما نستيقظ اخر الوقت واذا اشتغل بطهاره الماء خرج الوقت فهل له يتيمم طب من هناك quelqu'un qui s'est réveillé par exemple au fajr au dernier moment et que si jamais l'eau elle est présente qui s'occupe par l'eau c'est-à-dire qu'il va sortir du temps mathalan. Est-ce qu'il fait tayammum? Donc, Shiri Islam, il dit quoi? Celui qui se réveille en fin de temps, alors qu'il est en janaba, il se lave. Même si le temps s'écoule et se finit. Car l'eau, elle est présente. Donc, le tayammum ne peut pas être valable. Ou par exemple, quelqu'un qui a oublié, par exemple, pareil, qui a oublié, par exemple, il s'est levé, il a oublié la salat. Il arrive au dernier moment. Mais l'eau, elle est présente. Donc, ça, c'est la différence. C'est que là, il parle de quelqu'un qui s'est réveillé au dernier moment. Donc, Shiri Islam, il dit que le dalil de la porte de Cheikh al-Islam, c'est le hadith d'Anas dans le Sahihain, Anna Nabi sallam qala, man nama an salatin aw nasiha falusalliha idha zakaraha. Que celui qui s'est endormi ou qui oublie la salat, ou qui la fasse lorsqu'il s'en rappelle ou qui se réveille. Donc là, c'est son cas à lui. Même s'il sort du temps, ça a été malgré lui, il a oublié ou il dormait. D'accord? Il dormait. Donc le temps de la salat, c'est quand? C'est quand il s'en rappelle. Également, c'est le choix d'Ibn Qayyim et qu'il a attribué cette parole-là au Jumhur. Après, il dit Mas'ala, atayammum li khawf fawat salat el janaza. Faire atayammum par peur que une salat de janaza nous échappe. Une janaza qui a lieu, on fait le takbir, t'as pas l'eau d'eau. L'eau, elle n'est pas à côté de toi. Il y a de l'eau, mais elle n'est pas. D'accord? Est-ce que tu vas faire atayammum pour attraper la janaza avec tout le monde? Donc, un groupe de gens de science voit que tu peux le faire. D'accord? Ça, c'est le mazhab de Nakhai, Al-Hassan al-Basri, Zuhri, Al-Layth et d'autres. Et c'est une version rapportée selon Ahmed, et l'Auza'i, et l'Hanafiya apparemment. Et c'est le kalam que Shiri al-Islam il aurait choisi. Car elle dit que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le ta'amum pour rendre le salam, comme on a pris dans le dars. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour rendre le salam, il a fait le ta'amum. Rappelle, il a cherché un mu, il a fait le ta'amum, après il a rendu le salam. Et le Shir dit que cette parole-là également est apportée d'Ibn Abbas et d'Ibn Omar. Rapportée par Munzir, Ibn Munzir al-Awsat. Mais que les deux affaires sont faibles. Tamam. Après, c'est un avis qui est rajih pour lui. C'est que d'autres savants voient qu'il n'est pas permis de faire ta'ammum pour la janaza. Si l'eau est présente. Même si la salat lui échappe. D'accord? Et ça, c'est le mazhab de Shafi'i et d'Abu Thawr et d'Ibn Munzir et d'autres. Et également une version selon Ahmed. Par preuve de la parole d'Allah, Falam Jidu Ma'an. Vous ne trouvez pas d'eau. Donc l'eau, elle est présente là. D'accord? Car également, la janaza, c'est pas le salat obligatoire. Et ça se trouve, ils pourront faire une autre jama'a après. Par la suite. Après, il dit, même mas'ala maintenant, tayammum li fawat, salat, al-Eid, ou al-Jumu'a. Faire tayammum par peur de perdre la salat de l'Eid ou du Jumu'a, du vendredi. Certains disent, parmi les savants comme l'Auza'i et l'Abu Hanifa, qui fait tayammum, c'est aimer la peur que le temps lui échappe. Et la parole la plus sûre que Shiri choisit, c'est celle des Jumhur, du Ulama, qu'il dit qu'il ne fait pas tayammum. Car salat el-Eid, même si on l'échappe avec l'imam, fait peut la faire avec une deuxième jama'a. Car son temps dure de d'où ? Du chourouk jusqu'au zénith. Donc il a tout le temps pour la faire. Quant au jumu'ah, si jamais il rate la salle du jumu'ah de 2 rakat avec l'imam, il peut faire zor en 4 rakat après. Donc ils disent, il ne fait pas tayammum. Wallahu a'lam. Après il dit, et tasmiya ala tayammum. Le fait de faire la basmala en faisant tayammum. Que la plupart des savants, des Ahmadiyya Shafi'id et les Hanbalit et autres, voient qu'il est moustahab de faire la basmala. En prenant comme qiyas sur l'eau d'eau. Parce que le professeur Sam, il a dit quoi ? As-sa'idu wudu'u al-muslim. La terre, c'est-à-dire le sol, c'est l'eau du muslim. Donc il voit que c'est moustahab. Shir, il a. S'il cite un seul avis comme ça, c'est que c'est l'avis qu'il choisit sûrement. Et ça, c'est parmi le adab al-shari ou al-jamil que, surtout pour le talib al-ilm, l'étudiant en science ou même autre, lorsqu'il y a une mas'ala, d'accord ? S'il a un niveau d'ijtihad, mathalan, un niveau d'ijtihad, il a pris les usul, il connaît bien l'adillah, il a pris les shurut, il connaît la mas'ala, il est sûr qu'il la connaît, il peut donner un avis. S'il a un dalil avec lui, sûr. Mais la meilleure chose, c'est qu'il cite des paroles de ulama. Il s'arrange pour trouver une fatwa d'alim. Pas taqlid. Lui, la réponse, il la connaît. Lui, il veut faire la chose, il aurait la réponse. Pas mal. On dit qu'on le questionne. Et les sujets, c'est les choses qui sont claires, comprises par beaucoup, il peut répondre de lui-même. Par exemple, quelqu'un du monde a un nouveau converti, le maghreb, c'est combien ? Le raka'at. Pas la peine d'aller chercher Majmou Fatawa, par exemple. Il lui répond. Une chose connue par tout le monde, en général. De le sujet, même s'il a la réponse, il a la réponse. D'accord ? Mais c'est un sujet un peu plus épineux, un peu plus minutieux, ou peut-être il y a un khilaf, pourquoi ? Le meilleur, c'est de trouver un savant qui l'a devancé. Il dit chir un tel, il dit ça et ça et ça. Toi-même, sans chir un tel, tu connais le dalil, tu connais la mas'ala. D'accord ? Mais, ta'addouben ma'al al-ilm. Tu les fais passer devant toi. Regarde, il fait à chaque fois ça. Toute mas'ala, qui peut trouver un alim, il met un alim avant lui. Et après, il donne l'avis que lui, il a choisi par rapport à eux. Et quand il n'y a pas d'alim, il voit ce que lui, il voit. Mais Cheikh Ibn Hizam, il a dit un moustawa, tu vois, c'est pas. Donc ça, c'est un truc à faire attention, il ne faut pas se précipiter à répondre aux questions des gens comme ça, direct. Parce que même demain, on dit que tu réponds une bonne question à quelqu'un, mathalan. Et qu'après, il veut, on transmette ta faïda à quelqu'un d'autre. Quelqu'un lui dit, t'as où la réponse ? Il dit, ouais, c'est Zayd qui m'a dit la réponse. Mais c'est qui Zayd ? C'est qui Zayd ? Ils vont dire. Alors que si tu viens, tu dis Cheikh Ibn Hizam, il va dire, ah, c'est fini. C'est quoi le but ? Que les gens y prennent la masse Allah. Donc si ça passe mieux avec Cheikh Ibn Hizam, donne Cheikh Ibn Hizam. Laisse Zayd. Mais Zayd, il a raison, tu vois. Mais les gens, sont pas, ils connaissent pas Zayd. Ils vont te fatiguer. C'est qui Zayd ? D'où il sort ? Où est-ce qu'il étudie ? Donc t'as Cheikh Ibn Hizam, t'as Zayd, prends Cheikh Ibn Hizam, yahri. Mathalan. Parmi les contemporains. Même des fois, t'as des ulama parmi les anciens. Tu veux dire, par exemple, quelqu'un de nouveau, Al-Awza'i. C'est qui l'Awza'i ? Donne le Cheikh Othaymin. Et après, en apprenant, il va savoir ce qu'il osa, il va dire, hop, qu'est-ce que j'ai dit là ? Il va dire, c'est qu'est-ce que j'ai dit là ? Mathalan, donne aux gens comme ils comprennent. S'ils comprennent les contemporains, ils ne connaissent pas les anciens, pour l'instant, donne le contemporain, et en connaissant le contemporain, il connaîtra les anciens. Au début, facilite la chose. Parce que quand il vient, tu sors par exemple des paroles de gens qu'il ne connaît pas, il ne va pas être rassuré. Donc donne les gens qu'il connaît. S'il connaît les anciens, direct, par exemple, ils sont connus comme Imam Ahmed, il est connu, en général, tout le monde le connaît. Shafir, il est connu, pas même. Imam Malik, il est connu. Mais est-ce que toi, tu connais tous leurs aqwal ? Tu ne les connais pas tous. Nous, on est habitué au fatwa des ulama contemporains. On connaît plus de fatwa, par exemple, aujourd'hui de Cheikh Othaymin que l'Imam Ahmed, ça c'est sûr. Car ça s'avance à notre époque. Donc, sa science est plus affiliée à notre époque. Bien que Cheikh Othaymin, lui-même, à la base, a évolué sur le mazhab Hanbalite. Et en ce moment, Cheikh Othaymin, tu vas arriver aux anciens, de toute façon, parce que c'est là qu'il a pris. Mais au début, tu ne connais pas. Donne-lui quelqu'un qui connaît. En lui apprenant. Tu vois, Cheikh Othaymin, son mazhab, c'est ça. Satan les cas, c'est ça. Son ménage, c'est ça. Et au fur et à mesure, tu remontes le filon et tu reviens jusqu'aux anciens. Mais au tout début, les gens ne connaissent pas. Ils veulent des mots, des choses qu'ils connaissent pour que leur cœur s'apaise. Donc donne-lui quelqu'un qui connaît, de fiable, qui se mâche des salafs, et après, il va suivre. Mais tu l'habitues à suivre le dalil. il sait qu'ils sont les savants qui sont fiables, déjà il les connaît, savoir vers qui se tourner, d'accord. Et après dans le savant lui-même, s'il y a un khilaf, ce genre de choses, il sait qu'il doit demander, il doit chercher la preuve du savant. Mais que ce savant-là, je le connais, c'est pas quelqu'un qui se fait passion, c'est pas un ignorant, il connaît s'il parle. Mais il n'est pas marceau, il peut se tromper. Tu comprends? Donc demain, on dit que t'as une fatwa de un contemporain connu. Cheikh Bez, il dit tel avis sur une chose. D'accord? Et Cheikh Moukbil, un autre avis sur une autre chose. Tu regardes, c'est quoi la cause du khilaf? C'est quoi l'avis le plus fort pour toi? Ma falane. Et si t'es quelqu'un, t'as la koudra, t'as un moustawa, chercher chez les anciens, cherche chez les anciens. Mais déjà, il faut avoir l'arabe. La plupart des frères, ils n'ont pas l'arabe. Même moi, je vois Tawar, qui ne va pas l'avoir en français, il n'existe pas en français. Et s'ils le font, franchement, ce serait vraiment une. Ce serait vraiment pas utile pour les frères. Faut pas tout traduire aux gens. Faut pas tout traduire aux gens. Tu traduis tout, après, il aura pu me chercher en arabe. Faut donner un petit peu, comme on dit, qu'il ait l'éclaircissement sur la chose, et en même temps qu'il envoie plus. Tu veux le plus? Apprends l'arabe. Pour te débrouiller toi-même, de plus être accroché aux gens, aux traductions des gens. Tu vas toi-même à la source, tu lis, t'as compris. Mais tu traduis tout. Non, peut-être pas les gens vont ça. Ils ont pu faire, après ils vont dire c'est bon. Ils ont, aujourd'hui, ils ont même fait Sahih al-Bukhari avec l'isnad hier, en français. L'isnad en français, je dis, mais ça sert à quoi ça? Tu vas faire du moustada en français? Ça sert à rien. Peut-être pas les gens vont ça. Donne des éléments à la personne qui comprenne des bases dans la langue arabe ou française s'il faut, et incite-le à aller prendre l'arabe. C'est pour ça que la meilleure façon d'apprendre l'arabe, en général, c'est chez les arabophones. C'est la plus dure au début, mais c'est la plus efficace. Au final, t'as un résultat, mashallah. Mais apprendre avec du français, tu vas passer longtemps et tu endures des lacunes. Alors chez les arabophones, même, au début, c'est dur. Mais, ishtihad, t'as billah, tu fais les efforts, t'arrives à mon résultat, bismillah. Mais tout traduire aux gens, franchement, on m'a dit qu'ils ont traduit le sanad de l'imam Bukhari en français, je trouve ça, c'est vraiment de l'encre gaspillée et des pages gaspillées. Le hadith, naam. Ah, mais le sanad, il sert à quoi le sanad, après? Ça sert à quoi, très bien, le sanad? Il a fait un barf pour savoir c'est quoi le hal des rigels. Il n'y a pas de livre de rigels en français. Les animaux fidèles, ils vont traduire. Et Takri, ils vont le traduire. Et Tazib, ils vont le traduire. C'est des livres en arabe, avec le nom des hommes en arabe. C'est pas en français. Comment il va chercher le nom du rapporteur? Dans quel livre il va chercher? Donne le matin. J'ai même arabophone, c'est pas tout le monde qui s'occupe des islades. Même arabophone, c'est pas tout le monde qui cherche dans l'islade. Faut avoir Moustawa, tu vois, quand même, des bases. Et ça, il n'y a que pour les arabophones. Donc, le Moustala en français, faut pas faire des illusions aux gens. Ou sous les fiqh en français, faut pas faire des illusions. La Akida, même, il y a des bases, tu peux les avoir. Dans le fiqh aussi, il y a des bases. Chose obligatoire à toi tous les jours. Naam. La religion, elle est facile. Mais des choses arrivent, c'est en arabe. C'est en arabe. Tafsir, c'est en arabe. Parmi les choses de tafsir, langue arabe. Tu vas pas pour le tafsir en français. Même le Coran à la base, le Coran, kalamullah en soi, on a, comme on dit, une traduction approximative des sens. Quand tu parles l'arabe, tu as des bonnes bases en arabe, et tu lis le verset en français en arabe, ça n'a rien à voir, tu te rends compte. Tu te rends compte que c'est pas pareil. Il y a des choses, un mot, il faudra une phrase, peut-être deux lignes pour traduire. Et même en français, ça va être corchu, ça va être écorché, ça va être biscornu, les gens vont dire, j'ai pas compris. Alors qu'en arabe, c'est un seul mot. Tout le sous-titre l'a compris, biznilatara. Même le sloup du chir, tu le retrouves pas en arabe. Des fois, ils font une traduction, comme je dis, un langage super soutenu. C'est un français, on dirait le français de la politique. Une politique ou je sais pas quoi. Ou le français de Voltaire ou je sais pas qui. Quand tu lis en arabe, la parole du chir, elle est simple, claire et limpide. Tu dis en français, ils ont fait un takal louf, ils sont chargés pour avoir un beau français. Ton beau français, il a alourdi la parole du savant. Bien qu'un arabe, il peut avoir un moustawa, il peut alourdir ton français aussi. Il n'y a qu'un balara, tu vas rien comprendre, si je veux. Mais le savant, il parle de façon claire, simple, pour que tout le monde comprenne. Et ton français, c'est pas tout le monde qui va le comprendre. Ça sert à rien. Le savant, quand il parle, c'est un langage simple qu'il te donne. Son but, c'est quoi? C'est que tu comprennes. Pas t'impressionner. Qu'il est balire. S'il veut, il parle, tu vas rien comprendre, hein, s'il veut. Bisous, s'il veut, il peut, hein. Sans des mots comme ça, dans ton dictionnaire, tu vas rien comprendre. Qui était connu pour ça? Il fallait souvent dictionnaire, c'était Cheikh Bakr Bouzaïd. Rahimahullah ta'ala. Il faut dictionnaire avec ce Cheikh. Mais lui, c'était naturel, c'est comme ça qu'il parle. T'as des gens, c'est comme ça, c'est naturel. Ils emploient des grands mots. C'est comme ça qu'ils parlent. Ils sont éloquents, ils sont littéraires, tu vois, c'est comme ça qu'ils sont. Et t'en as d'autres, c'est simple. Ils parlent, c'est simple. Et t'en as, c'est des grands mots. Tu vois? Mais quand t'as appris avec eux, machin, t'as appris Moustawa dans la langue arabe. T'es quoi, oui. T'es quoi, oui. Quoi qu'il en soit, tout traduire n'est pas utile, forcément. Il y a des choses, non, faut traduire, c'est même obligatoire de traduire. Ça touche à la aqida, par le tawhid. dans le fiqh, dans ta salat, tahara, sanam, amma, les autres choses, on va dire traduit l'essentiel et le reste, donne leur envie d'apprendre l'arabe. C'est tellement plus beau quand tu lis en arabe, franchement. Tu écoutes un cher qui parle en arabe devant toi, plutôt qu'un enseignant qui parle en français. Par exemple, là, c'est ce qu'on fait nous, tu vois, pour aider les frères. Mais en vrai, si tu veux leur dire, viens ici, ça te devant le cher, arrête. Et Khalil, mets-le derrière le poteau. Khalil, derrière le poteau et avance-toi devant le cher, c'est mieux pour toi. Là, c'est juste une passerelle pour aider les gens, tu vois. Surtout qu'en plus, en France, la plupart des enseignants, c'est des hizbis, des maftoun, des gens, ils n'ont même pas étudié. Ils t'enseignent des choses, ils n'ont même pas étudié. Tu vois. Donc, pour nous, c'est une masoulia qu'on a. La responsabilité qu'on a par rapport aux frères en France. Que Allah nous a donné une chose qu'on a appris chez des ulama, qu'on doit transmettre comme on peut. Parce que là-bas, il y a trop d'imposteurs. D'accord. Donc, si on restait à nous, ces imposteurs, ils vont l'enseigner, donc les gens vont se garer. T'as donc là, même les machins, ils disent, toi, les belims, ils l'incitent, enseigne aux gens. Dans ton pays, dans leur langue, apprends-leur. Tu vois, si on parle arabe, toi, tu parles les deux langues, parle-leur. Enseigne-leur comme tu peux. Mais les choses essentielles, pas tout. Et donne leur envie d'aller chercher après. C'est ça qu'il faut donner envie à la personne d'aller chercher. S'il va chercher lui-même, machallah, fania mahia. Et après, le frère va venir, il va étudier, il va être meilleur que toi. Tu vois, là c'est clair. Dire en français, enfin j'ai pas compris la masala. Maintenant j'ai pris en arabe, alhamdoulilah, j'ai compris. Les fans de l'illah. T'as bien ? En tout cas, la colline, alhamdoulilah, on a fini. Kitab ta'amoum, bab ta'amoum, et min al-ghad, inshallah, al-haid. Allah yu'in. Ma foumada ? فإلى نوى الحمد لله رب العالمين